DJ Mehdi, NSI Espionnage, Manu K, 113, pour le manuscrit, écoute bien, ouais. Ouais. Écoute bien ce truc bizarre qui fera bouger tout le monde. Fan des ambiances chaudes comme à la coupe du monde. Vu que l'époque change ici, faut bien que je mange aussi. Toi aussi alimente la rage qui est en toi. Défoule-toi, méfie-toi, au-dessus de toi y'a l'ennemi et l'état mon pote. Assis-toi, je fais partie des mecs qui se démerdent, qui cherchent pas des emmerdes. J'suis posé, pareil à proposer, maîtrise bien dosé. Un truc de dingue, la bouche à flingue, qui cause des drames dans le monde entier. Homme parmi d'autres, il me faut ce plus pour mieux vivre. Pose mon art sans instru, sans lire de livre. Goûte à mon cocktail de rime. Ta boisson, attention, Manu rap poison. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Faut que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Faut que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Tu crois que mes frères n'assistent pas? Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. 6h du matin, fini le studio, je rentre dans le allongé sur mon clic-clac, la main dans le calepin. J'ai laissé le sampleur car il pèse trop lourd. Mec au portable, recherche plus balourd. Manu K 113, là je me sens épaulé. Je ramène la technique, comme le ref fait pelé. Je compte plus les disques, je compte plus les textes. Je compte plus les heures, y'en a marre, j'ai fait le tour du compteur. Prends mon arrivée comme un coup de feu. Combien d'MC y'a sur le sol, pourtant sur le track je suis seul. Du love pour ma mater, j'ai grandi sans mon pater. Faisant rire mes potes pendant les trajets de concert. Toujours ce type qui tue sur le vinyle. Manu K plus fort, version 2000. En chair et en os, ça tue quand ça pose dur. T'écoutes dans ta voiture, même si la voix ça tue. Ok, tu sais qu'ici tout le monde t'attend en tournant. Et si tu réussis, on t'attend en tournée. Artiste en de grande et populaire à la fois. Combien de fois près de chez toi on a mis le fire? Le lendemain on partait ailleurs remettre le fire. Pareil que je suis l'actualité du moment. Mais certains veulent le succès puis baiser en même temps. Mais combien de temps il m'a fallu pour? Combien de jours il m'a fallu pour écrire des nuits, des jours? J'arrive les poches vides. Il me faut de la caillasse pour m'empirer le beat. Sur mon album est inscrit manuscrit. Et chaque titre représente dans les suds jusqu'à point à pile. J'ai la haine contre ces mecs qui vendent de disques et qui se croient au box office. Autant que ce daron qui rentre chez lui et qui porte son fils. Tu crois rêver mais c'est du réel. Autant que les crimes dans nos ruelles. C'est opérationnel, Manu K professionnel. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Faut que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Faut que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Faut que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3. T'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Je crois que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Nous on casse tout, assis-toi, n'insiste pas. Je crois que mes frères n'assistent pas. Mais t'es malade ou quoi? Manu K 1-1-3, de la rime au crime, y'a toujours qu'un pas. Ok mon gros, y'a toujours qu'un pas. C'est qui dit juste il veut grave quoi? Tourne de dingue quoi? Tourne de dingue! Bah ouais, bah ouais! Mais c'est vrai que. Franchement, ah, t'as vu ta tête hein? C'est qui dit ça? Oh alors, poteau! Alors, bon, franchement! Bon, hein. Tête de ma mère, lui! Je suis la tête de ma mère! On va te dire, je vends des boubous! C'est qui ça? T'as pas super faim là? Oh là là, ça va être bon, parlons-en quoi.